بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في سورة الدخان، لا فيمي، في المسألة 63 بعد المئة، 163 مسألة، في قوله تعالى: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. Dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, ensuite, versez au-dessus de sa tête de l'eau bouillante en guise de châtiment. Et goûte, tu es certes, c'est-à-dire d'après toi, le puissant et l'honoré. Versets 48 à 49. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل النار، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك، كقوله تعالى: سيدخلون جهنم داخلين، أي صاغرين أذلة، وكقوله: لهم عذاب مهين، وكقوله هنا: خذه واعتليه للسواء الجحيم. خذوا فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Donc il dit, l'auteur, que ce noble verset laisse entendre en son apparent qu'il y a une puissance et un honneur pour les gens du feu. Alors que des versets coraniens démontrent clairement l'opposé de cela. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit qu'ils rentreront au feu de l'enfer, avilis, humiliés, rabaissés. Rafir, verset 60. Et sa parole, dans le sens où il dit, et qu'ils auront un châtiment avilissant. El Imran, verset 178. Et là, dans ce même verset, c'est-à-dire avant le verset cité dans la Mas'ala, il dit: prenez-le et traînez-le jusqu'à l'enfer. Verset 47, justement, de Sourate Dukhan. Donc là, on a une forme de contradiction. Wa qala al-jawab rahimahullah ta'ala annaha nazalat fi Abi Jahl lamma qala ayu'iduni Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa laysa bayna jabalayha a'izzu wa la akramu minni falamma 'adzabahu Allah bi kufrihi qala lahu dhuq innaka antal 'azizu al-karim في زعمك الكاذب بل أنت المهان الخسيس الحقير فهذا التقريع نوع من أنواع العذاب. Donc la réponse est que ce verset à la base est descendu sur Abu Jahl lorsqu'il a dit: est-ce que Mohammed me menace alors qu'il n'y a entre ces deux montagnes pas plus puissant et plus honoré que moi? C'est-à-dire qu'il se vantait et se voyait à un haut niveau. Donc lorsque Allah Azza wa Jal l'a châtié pour sa mécréance, il lui a dit: goûte, c'est le châtiment, et comme tu le prétendais, ben, goûte toi qui es, soi-disant, le puissant et l'honoré, dans sa prétention mensongère. Donc en fait, cette parole-là, c'est pour, en guise de réprimande. Tu te vantais d'une chose, ben, aujourd'hui, regarde la preuve de cela, c'est que tu es tout le contraire. Tu es l'humilié, tu es l'avili, tu es le rabaissé, et tu es le perdant. Et ça, c'est une forme, justement, de châtiment en soi, de parler comme ça à la personne. Celui qui se vend d'une chose qui n'est pas en lui, et le jour où justement il est dévoilé devant tout le monde, tu lui rappelles cette chose-là. Quelqu'un, par exemple, qui disait: je suis le plus fort, Mathalène, et ensuite, il goûte une défaite. Tu lui dis: alors, tu es le plus fort, ben goûte ta défaite. Cela rajoutera de l'humiliation à son humiliation. Fahada, allazi zakara al-mu'allif min jawab fi hadhihi al-aya. Wallahu ta'ala alam. Naam.